écoutez la plus normande des radios et bienvenue à bord les amis. Vendredi 2 novembre, il est tout pile 18h. Excellent week-end tout le monde, bienvenue. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Le Premier ministre français Édouard Philippe a présidé aujourd'hui à Hanoï, au Vietnam, la signature d'une série de contrats et accords entre des entreprises françaises et vietnamiennes, dont une commande de 50 Airbus A321neo par la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet. Le montant total des accords signés, dont certains ne sont pas définitifs, avoisine les 10 milliards d'euros, dont 5 milliards 700 millions pour l'avionneur européen Airbus. Selon Matignon, Édouard Philippe est au Vietnam pour une visite de 3 jours, placée sous le signe du développement des échanges commerciaux ainsi que la mémoire de la guerre d'Indochine. L'Assemblée nationale a voté aujourd'hui le budget 2019 de la Défense en hausse de 5% sur un an, conformément à la loi de programmation militaire 2019-2025 qui prévoit près de 300 milliards d'euros de crédits cumulés sur 7 ans pour les armées. Avec un budget de 35 900 millions d'euros, le ministère des Armées connaît en 2019 une nouvelle progression de ses crédits après une augmentation de 1 800 millions en 2018. Quelques 450 postes supplémentaires sont prévus dans les armées en 2019, dont 199 dédiés au renseignement et 129 à la cyberdéfense. Le parquet espagnol a requis aujourd'hui de 7 à 25 ans de prison à l'encontre de 12 dirigeants indépendantistes devant être jugés prochainement pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en octobre 2017. La peine la plus élevée, 25 ans de prison et inéligibilité pour rébellion et détournement de fonds publics, a été requise contre l'ancien vice-président de la région, l'indépendantiste de gauche Oriol Junqueras. Alors que Facebook avait été touché par une importante faille de sécurité à la fin du mois de septembre, il est désormais confronté à un nouveau problème. Les messages privés de plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs sont proposés à la vente sur Internet, a repéré la BBC. Facebook assure ne pas être en cause dans la fuite de ces données. Des applications malveillantes installées sur les navigateurs de certains utilisateurs seraient à l'origine du problème. La fuite concerne 81 000 utilisateurs de Facebook, majoritairement basés en Russie et en Ukraine, mais aussi au Royaume-Uni, aux États-Unis ou au Brésil. Enfin, le géant du streaming Netflix va diffuser 3 de ses prochaines productions dans des salles de cinéma avant leur mise en ligne, a annoncé la plateforme. Une mesure destinée à mieux respecter la chronologie des médias de manière à pouvoir présenter les films en question aux Oscars ainsi qu'à différents festivals. Sur la plus normande des radios, Matt. Nouvelle heure, nouveau son et nouveau tube avec le carton d'Offenbach tout de suite. Et c'est catchy. L'après-midi sur Espace, c'est Max.

Normande Radio. En mode souvenir. Écoutez. Espace. Il est au pile, 18h26, et juste avant de faire un point sur l'actu locale et régionale avec le flash d'espace, voici Chris Rea et Joséphine. Info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. On commence cette édition avec un face-à-face mortel survenu hier après-midi sur la départementale 142 à Pavilly, près de Rouen. Une femme âgée de 22 ans, passager avant d'une voiture, est décédée sur place. Sa mère et ses deux sœurs étaient également à bord, dont l'une âgée de 18 ans conduisait. Très gravement blessée, elle a été transportée dans un état très préoccupant au CHU de Rouen. La mère et l'autre sœur âgée de 13 ans à l'arrière de la voiture ont été légèrement blessées, ainsi que les trois autres personnes qui se trouvaient dans le second véhicule. L'une des deux conductrices aurait perdu le contrôle de sa voiture dans une courbe. À la suite d'un accident de personnes survenu ce vendredi en milieu de matinée à Asnières-sur-Seine, au cœur du nœud ferroviaire de la gare Paris-Saint-Lazare, le trafic des trains vers la Normandie a été perturbé jusqu'à la mi-journée. La SNCF a indiqué que 8 trains circulant sur les lignes Rouen-Le Havre et Caen-Cherbourg ont subi des retards entre 20 minutes et 1h30. Pour quelques jours de repos à l'occasion du pont de la Toussaint, le président de la République Emmanuel Macron et son épouse ont choisi de passer quelques jours en Normandie à Honfleur, comme en mai 2017 lorsque l'actuel président n'était encore que candidat. Arrivé mercredi dans la soirée à la ferme Saint-Siméon, le couple présidentiel a quitté l'établissement hier en fin de matinée pour déjeuner au bistrot des artistes non loin de la place Sainte-Catherine. Quelques 150 personnes les ont attendus devant le restaurant d'où ils sont ressortis à 15h dans une ambiance de bain de foule. Deux hommes de 24 et 30 ans originaires des Andelys et connus de la justice ont été jugés en comparution immédiate mercredi pour vol aggravé, rébellion lors de l'interpellation et recours à la prostitution. Le 17 octobre, après avoir eu une relation sexuelle tarifée dans le véhicule d'une prostituée en forêt de bord, l'un d'entre eux a dérobé le sac à main de la victime. La femme l'a rattrapé avant d'être roué de coups par le voleur et son comparse. Les deux individus ont laissé leur victime à terre et pris la fuite avec 400 euros. Ils ont été condamnés à 6 mois de prison ferme chacun, puis conduits à la maison d'arrêt d'Évreux. On poursuit cette édition avec le reportage d'Alexandre Lénaud qui s'intéresse à la vie en campagne pour les familles. L'association Famille Rurale, qui réunit pas moins de 160 000 familles adhérentes dans tout l'Hexagone, a publié le mois dernier un nouveau rapport concernant la perception et la réalité de vie à la campagne. 1500 personnes sur les territoires ruraux et quelques 1000 habitants des villes ont été sondés. Selon l'étude, pour 81% des Français, vivre à la campagne représente la vie idéale, qu'ils y travaillent ou non. D'ailleurs, 74% des ruraux se déclarent heureux de vivre sur leur territoire. Il y a de quoi, comme l'évoque Dominique Marmier, président de Famille Rurale, qui analyse ses résultats. Le premier argument, c'est de dire la campagne, c'est la facilité de vie, c'est la tranquillité de vie, c'est un mode de vie qui est plus respectueux du mode de vie des familles. En revanche, le paradis n'est pas dans le pré. Les Français associent à 46% la vie à la campagne avec difficultés socio-économiques, un sentiment confirmé par les ruraux qui estiment à 51% que le monde rural est abandonné. Les petites gardes dans les territoires ruraux, elles ont fermé. Les postes qui disparaissent, les commerces qui disparaissent aussi, les médecins qui sont de moins en moins nombreux, c'est des écoles qui s'éloignent des villages parce qu'elles vont se regrouper au niveau de l'intercommunalité. Puis le transport aussi. Hein. Et en plus, avec une augmentation des taxes sur le carburant, là, ça fait encore vraiment une double peine. On parle souvent de la politique de la ville. Il y a des sommes d'argent qui sont engagées pour les quartiers difficiles. Et puis la campagne, il y a ce sentiment d'être abandonné parce qu'il n'y a pas de politique ambitieuse pour réinvestir les territoires ruraux. Retrouvez l'intégralité du reportage ce dimanche dans nos éditions du Pays de Bray et du Beauvaisis. Enfin, au hockey sur glace, ce soir, les Dragons de Rouen, invaincus cette saison, jouent à l'extérieur pour la 15e journée de Ligue Magnus. Leur nouvelle victime potentielle sont les Ducs d'Angers. Tout de suite après le jingle, la météo. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie, avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour ce samedi, sur le département de l'Eure, l'agglomération rouennaise et le Pays d'Auge, Météo France prévoit un ciel voilé en matinée, comme pour l'après-midi. Quelques éclaircies sont attendues autour de l'estuaire. Le mercure indiquera 9 degrés à Rugles-et-Lyons-la-Forêt, 10 à Évreux, Vernon, Gisors, Le Neubourg, Bernay, 11 à Rouen et Cormeilles, 12 à Pont-Audemer. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Écoutez, Espace. La plus normande des radios. 18h34, nouvelle demi-heure, nouveau soin, nouveau tube avec Matt Simon. Tout de suite pour We Can Do Better. Oh yeah, we can do better. I know it hurt bad, your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave, cause history repeats, we've seen it around the world. Well, all that we're told is so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long. We can do better. We might drink too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget for we go to bed and we're gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better.

mémoire, ça fait un paquet de temps qu'il n'était pas revenu en prime. L'histoire se passe en 1770, donc perruque avec du talc dessus, robe à froufrou souvent au-dessus des genoux, mais je ne peux pas en dire plus. France 3, 300 cœurs debout. D'un côté, tu as des artistes qui viennent reprendre des tubes de la chanson française avec cette grande chorale derrière. 23h15, le divan de Marc-Olivier Fogiel, il reçoit ce soir l'animateur, le journaliste mondain, le commercial en véranda, mais aussi le sauveur du patrimoine français, Stéphane Bern. Canal, une comédie Momo avec Christian Clavier et Catherine Fraud. Un couple rencontre un jeune homme. Le soir même, l'homme débarque chez le couple et affirme être le fils du mari. Arte, Carole Mathieu, elle est médecin du travail. La direction lui reproche de prendre trop à cœur son boulot. La veille, elle rencontre un employé en détresse. Le lendemain, il ne se présente pas à son poste et est retrouvé mort. M6 bulle toute la soirée avec des inédits et des rediffs. Le meilleur de la TNT, c'est 8 TPMP refait la semaine avec Jean-Luc Lemoine. Perso, je kiffe les 4 tiers. Hein, 22h40, balance ton poste, ça y est, ils ont trouvé une bonne vitesse de croisière. Celle qui m'agace le plus, c'est Agathe Leproux. Elle en fait trop, toujours des mimiques, elle aime tout le monde, elle n'arrête pas de faire des selfies pour Instagram. Non, elle m'agace, vraiment. Voilà, c'est terminé, on se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 40 19 90. Ils sont incontournables. Sur Espace, écoutez les meilleurs souvenirs. To me, the love that I need, I cherish the moments with you. Yeah. Respectfully, I say to thee, I'm aware that you're cheating when no one makes me feel like you do. Upside down, a boy, you turn me. Shine. There's a place in my heart for you, that's the bottom line. Upside down, you're turning me. You give your love instinctively. Around and around, you're turning me. I say to thee, respectfully. Upside down, you're turning me. You give your love instinctively. Around and around, you're turning me. I say to thee, respectfully. To thee, I'm aware that you're cheating when no one makes me feel like you do. Upside down, a boy, you turn me. Espace. ces années 90. 90 sont sur Espace. 18h57, les amis, c'est terminé pour moi et pour aujourd'hui. Rendez-vous à partir de lundi. On reprend les horaires d'habitude. C'est fini les vacances. Rendez-vous à partir de 14h. Allez, bon week-end. Je vous embrasse très très fort. Et voici MC Sugar. At the diner, about 10 a.m. Heads turn around as they watch me coming in. I step to the counter to find a free seat. Take a look through the menu, order something to eat. Somewhere in the back, somebody yells, my man, yo, how are you living? Glad to see you again. I order two drinks, a conversation follows. The subject is deep, but also shallow. At the diner, it's now 11:15. A guy tells a joke some would call obscene. The guy seated next to him is of the slow kind. The guy telling jokes repeats his punchline. No longer by the counter, now I'm seated in the back. My old place is taken by a woman in black. She's staring at the waiter as he greets his girlfriend. I guess I'm watching her, watching them. Counter now staring out the window. I try to look away, but my eyes won't let go. She opens up a paper to read the news. Sees me watching her, and now she looks confused. Yeah, y'all know what I'm saying? Same routine again and again. Strikes 1 p.m. Yo, the same guy tells the same jokes again. I've had too much to drink and now I'm feeling drowsy. The guy telling jokes still doesn't amuse me. I get the funny feeling that I'm being ignored due to the fact that I'm feeling kind of bored. It's time for me to split if you know what I mean, but it's raining outside and so I'm glad I'm in. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. Nous sommes le vendredi 2 novembre, il est tout juste 19h, les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous, Emmanuel Macron s'exprimera à la télévision à 13h, 23h heure locale dimanche à l'issue du référendum historique sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Le président de la République fera une déclaration télévisée depuis l'Élysée, a précisé la présidence, alors que les 270 000 habitants doivent décider lors d'un référendum d'autodétermination historique s'ils restent français, scénario le plus probable, ou s'ils choisissent l'indépendance. Le premier ministre français Édouard Philippe a présidé aujourd'hui à Hanoï au Vietnam la signature d'une série de contrats et accords entre des entreprises françaises et vietnamienne, dont une commande de 50 Airbus A321neo par la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet. Le montant total des accords signés, dont certains ne sont pas définitifs, avoisine les 10 milliards d'euros, dont 5 milliards 700 millions pour l'avionneur européen Airbus. Édouard Philippe est au Vietnam pour une visite de 3 jours placée sous le signe du développement des échanges commerciaux ainsi que la mémoire de la guerre d'Indochine. L'Assemblée nationale a voté aujourd'hui le budget 2019 de la défense en hausse de 5% sur un an, conformément à la loi de programmation militaire 2019-2025 qui prévoit près de 300 milliards d'euros de crédits cumulés sur 7 ans pour les armées. Avec un budget de 35 900 millions d'euros, le ministère des Armées connaît en 2019 une nouvelle progression de ses crédits après une augmentation de 1 800 millions en 2018. Quelques 450 postes supplémentaires sont prévus dans les armées en 2019, dont 199 dédiés au renseignement et 129 à la cyberdéfense. Les États-Unis ont formellement confirmé qu'ils rétabliraient lundi toutes les sanctions levées dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 dont Donald Trump s'est retiré. Ces sanctions visent le secteur de l'énergie, notamment les exportations de pétrole iranien que Washington veut ramener aussi près de zéro que possible, ainsi que le secteur bancaire, la construction navale et le transport maritime, a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. 8 pays bénéficieront toutefois de dérogations et seront autorisés temporairement à continuer d'importer du pétrole iranien. Enfin, Gladiator aura droit à une suite. Ridley Scott, réalisateur du célèbre film 5 fois oscarisé, sorti en 2000, a même commencé à travailler dessus, selon les informations du site américain Deadline. Le projet a été validé par Paramount et le script sera écrit par Peter Craig, le scénariste de The Town et de deux opus d'Hunger Games. Sur la plus normande des radios.

Écoute. C'est nouveau. C'est nouveau. She was your light and she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never felt the heat. First love is deep when you don't expect it. For the first time in your life, you loved so much, you could die. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Espace dans l'afterwork de ce vendredi soir. Et je vous le rappelle, rendez-vous demain du côté de Saint-Aubin-d'Écrouville pour une grande soirée Halloween. Plus d'infos 06 14 53 34 48. Maintenant, mode souvenir, c'est Gold, capitaine abandonné sur Espace. Soyez prudents sur les routes.